que Jaycee, je suis le diamant congolais. Appelle-moi Wifi, toutes les Wifi de ce pays sont connectées. Parle-moi Phoebe, parle-moi Freshy, on connaît que ça, c'est nos langues à nous. J'ai flow auditive avant d'être physique, prendre de force comme Francis Ganou. On a la soupe par Francis Ganou, on a les bitches jusqu'au Ghana. J'm'allume au Ghana, je suis high set, touchant le canard. Commande à HP, méga 10 autres, on a les canons. On a la patate, fais les égayter, mes films bis sont trop canons. Je veux des bijoux, je veux des bisous, ouais. Demande à Mitsou, on démarre dans tout, ouais. Réalise les sous, ouais. Demande-moi, tu veux des bijoux, tu veux des bisous, ouais. Demande à Mitsou, je suis dans la réseau, réalise les sous, ouais. Demande-moi. Quand le petit s'endort, elle sait m'appeler, m'appeler. Brasser du champ encore, donc on va continuer, continuer. Elle veut un bébé, mais tout le monde ne connaît pas le prix du lait. Quand le petit s'endort, elle sait m'appeler, m'appeler. Viens pour ton contrôle d'identité. Chaque pour la teuf et je disparais comme une entité. J'avais trop une peuf, je me sens obligé de te le répéter. Quand j'ai fait du zèle, t'attendras-tu si je me fais péter? Dans la vraie vie, pas sur les réseaux. Oui, dans le liquide et dans la crypto. Avec le liquide, j'achète la crypto. Ma monnaie, j'encaisse, faut toujours encaisser. Ma monnaie, j'encaisse. Quitte la Tessie, acheter une caisse. Plus de joueurs qu'un mec du Texas. Qu'un mec d'en bas. C'est vrai, oui. On voulait pas m'attendre. Moi, je suis en haut, ma chère. La vie est chère. Tous mes gars s'attaquent aux bancs. Scalp, en pas aux hops. Ceux qui s'attaquent au vent. Tu veux des bisous, ouais. Demande à Mitsou, on démarre dans le zoo, ouais. Réalise les sous, ouais. Demande-moi. Tu veux des bijoux, tu veux des bisous, ouais. Demande à Mitsou, je suis dans la réseau, réalise les sous, ouais. Demande-moi. Quand le petit s'endort, elle sait m'appeler, m'appeler. Brasser du champ encore, donc on va continuer, continuer. Elle veut un bébé, mais tout le monde ne connaît pas le prix du lait. Quand le petit s'endort, elle sait m'appeler, m'appeler. J'ai un peu de temps pour ta soif, viens pour ton contrôle d'identité. Je crois que pour la teuf. Disparaît comme une entité. J'en ai trop une peur. Je me sens obligé de te le répéter. Comme j'ai fait du zèle, t'attendras-tu si je me fais fêter? Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah